de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Maître Gims dans Planet Rap. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Maître Gims. C'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée. Bienvenue dans le Planet Rap consacré à Maître Gims. Quelle entrée. Bonsoir. Il y a encore 30 secondes, je me disais, il est pas là, il va pas arriver. Générique, jingle. C'est ça où ça a changé en fait, Gims. Je me disais, qu'est-ce qui a pu changer depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui a pu changer? C'est cette confiance, cette... C'est l'habitude, ça devient un peu la maison, Sky. Ouais, c'est pour ça, donc tu prends le temps de te balader, tranquille. Ouais, j'étais en chaussons, là. Bon, tout va bien? Ouais, tout va bien. Ça approche. Ouais. Ça approche, 48 heures maintenant, C'est une affaire de 48 heures, ouais. Pour Mon cœur avait raison. Exactement. Sorti vendredi de ce double album, on l'a dit, Pilule bleue, Pilule rouge, ouais. Pilule bleue un peu plus chantée, voilà, un peu plus pop urbaine. Plus large. Pilule rouge un peu plus sévère, un peu plus ciblé. Avec un morceau hier, on l'a balancé avec JR. Avec JR Edwards, Uzi. Gros morceau de la pilule rouge, ouais. Et il y en a d'autres aussi. Hein. Bien sûr, il y en a d'autres. On va en découvrir un autre ce soir. C'est vrai? De la pilule rouge. J'ai des invités ce soir. Tu veux en parler maintenant ou on met un petit disque, on en parle après tranquille? Non, on va en parler après tranquille. Allez, on balance le morceau brisé pour débuter ce Planet Rap consacré, yes, à Maître Gims. Ce soir, vous pourrez aussi poser vos questions directement à Maître Gims. Alors, je sais que vous le faites un petit peu avec le portable, il y a beaucoup de demandes. Ouais. On va essayer d'en choper quelques-uns et vous allez pouvoir poser vos questions en direct à Maître Gims avant, yes, 21h, avant de retrouver la radio libre de Difool. Et on débute avec Brisé, c'est parti. J'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. J'essaie. Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé. Et tu m'as fait du tort. Brisé à l'instant, c'est un morceau que tu nous as fait en live d'ailleurs pour la première fois hier soir dans Planète Rap. Hier en surprise comme ça sur un coup de tête. Les images sont dispo toujours sur le Skyrock FM, mais il paraît que ce soir on va être gâté. Ce soir on va être gâté parce que j'ai envie de vous faire découvrir un son. Un nouveau son de la pilule rouge. Donc inédit. Et un autre de la pilule bleue. Jamais entendu, les deux. Les deux, jamais entendu. Jamais, enfin, par les gens qui ont pu écouter l'album. Mais sinon, deux inédits. Ouais. Deux inédits extraits de cet album. Mon cœur avait raison pendant que les invités arrivent. Ouais. Tu veux qu'on en balance un tout de suite, il est 20h. On attaque tout de suite ou... On attaque tout de suite les inédits ? On peut en garder. Je voulais attendre que les invités arrivent. Ah d'accord, tu vas attendre un petit peu. Je voulais attendre que les invités arrivent pour pouvoir vivre cet instant aussi parce qu'ils font partie du son. Tu sais quoi, je vais en profiter pour rappeler le numéro de téléphone où on peut te joindre qui est 06 71 74 84 15. Yes. Pour lire aussi quelques SMS qui arrivent sur ce numéro, sur ce portable. Ça sonne. Un message du 0760. Wesh Games, petite question, l'album est né à cause d'une déception amoureuse. Oh, on pourrait croire. Hein. D'où les différences sont liées à l'amour. C'est Antoine qui pose cette question. On pourrait croire c'est vrai ça. Que c'est vrai que la pilule bleue, on se dit. C'est vrai, hein, on se dit le type est grave déçu, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Le type a été déçu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est pas blessé par les femmes. Non, c'est pas par une femme. C'est du vécu. C'est de la un peu de fiction. Beaucoup de vécu. Beaucoup de choses que j'ai vécu que je vis à travers les gens, etc. Dans mon entourage, c'est ça un artiste, tu vois. Je prends un peu de partout et c'est un tel. Voilà, c'est prendre des gens, apprendre des gens. C'est le côté éponge. C'est ce côté éponge. Bob l'éponge. Gims l'éponge. Avec nous, autre question aussi, c'est. Non, c'est pas une question d'ailleurs, c'est un soutien de Tune du Sénégal qui dit je te suis sur Planète Rap. C'est du lourd, j'ai hâte que ton album sorte. Bisous de l'Afrique. Voilà. Ah, Sénégal des fanères. Voilà, Sénégal. Si. Sénégal, l'Afrique est important aussi hein, pour toi évidemment. Bien sûr, très important, tourner en Afrique. Est-ce qu'il va y avoir début 2016. Donc grosse début 2016. Tournée en Afrique, très très grosse tournée, une quinzaine de dates, pratiquement toute l'Afrique francophone. Donc on arrive. Eh ben très bien, ça arrive. Et puis enfin un dernier message qui est arrivé d'Élise qui dit 0618 là. Bonjour Gims, est-ce que tu pourrais souhaiter un joyeux anniversaire à Freddy ce soir pendant Planète Rap? Écoute si tu réponds. J'ai pas envie Freddy. Voilà, tant pis. Dommage. Dommage pour Freddy. Longue vie à toi Freddy. Longue vie. Je sais pas si t'as quel âge mais. Eh ben voilà, bon anniversaire à toi voilà, Freddy. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de. Eh ben j'ai lui dire un beau cadeau, c'est un d'aller beau cadeau. L'album Skyrock t'offre. Ah toi tiens, on offre. Allez, la Sky Roulette pour Freddy. Allez, c'est parti. Au moins l'album de Gims qui sera dédicacé à Chopé aussi. Vous posez vos questions à Gims 41759, le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Est-ce qu'on présente quelques invités qui sont là autour ouais, de nous? Ouais, on va présenter toujours mon acolyte, la main du roi, un solo véritable, qui est ici présent. Là, on a Dadju à ma gauche, Shin Sekai, qui n'était pas là. Qui n'était pas là. D'arriver, qui fait partie des invités d'honneur ce soir. Le frangin. Le frangin. Un des frangins. Voilà, un des frangins. Un des frangins. Ouais. Un parmi tant d'autres. Et hier, on a vu X-Gangs qui va très certainement arriver. Jelas aussi qui était là. Et on attend Bejik. Bah oui, on peut le dire parce que ce soir c'est consacré à la Juna Family. À la Juna Family. Voilà. Exactement. Juna Family qui est évidemment donc ton nom. Et voilà, Monsieur Juna. Monsieur Juna et la famille, c'est vrai que dans la famille. Ouais, tu connais. On n'a pas fini d'entendre parler de la famille. Non, c'est à cause du grand-père qui a commencé ce délire-là. Donc, c'était le grand-père qui a commencé. Ouais, le grand-père il a commencé. Et ensuite le papa, ensuite les enfants, etc. C'était quoi donc musicalement? Un chanteur, ouais, musicalement c'était un chanteur dans un village, tu vois, à son époque, quoi, à son temps. Ensuite mon père qui a fait aussi son parcours avec l'orchestre de Papa Wemba, etc. Mmh. Qui ont cartonné partout en Afrique, en Europe aussi. Et voilà, nous on enchaîne derrière, on prend la relève un peu. Donc ça vous a forcément bercé? Oui, ça nous a bercé. Beaucoup de sons à la maison, dans la tête. C'est génétique, hein, je te jure. Hein, je vois même un des petits derniers petits frères là, il n'était pas voué à ça, mais il commence à flancher là. Parce que vous êtes combien dans la famille en tout? On est une bonne quinzaine. Au dernier recensement. Ah ouais. Donc une bonne quinzaine, mais tous dans la musique ou... Non, pas tous dans la musique, mais une bonne partie. Une bonne partie dans la musique, une quand bonne même. Partie. Très bonne partie. Pas d'astronaute, pas de type dans la NASA. Ça viendra peut-être. Il nous faut un président. Il nous faut un président. Un autre frangin qui arrive derrière aussi. Ah, les gens ils disent une bonne famille, il te faut une célébrité, il te faut un policier, ça, il faut quelqu'un dans la politique. Là, t'as une famille solide. Donc alors, si on fait les croix, donc musique, donc, ça marche. Donc il nous faut un keuf. Musique, là, il manque. Allô, la Juna Family. Merci. Est-ce qu'il y a un Schmitt dans l'équipe? Deviens Schmitt. T'inquiète, on ne te jugera pas. C'est un travail. Il nous faut un avocat. Noble. C'est un travail noble d'être policier. Est-ce qu'il y a un mec dans la politique ou une nana dans la politique chez vous? On va demander à Harmonie peut-être. Ouais, Harmonie peut-être. Harmonie, tu fais de la politique. Mais t'inquiète, on te soutient. Bejik qui arrive aussi. Bejik. Ça va? Bejik qui vient de faire son entrée. Magnifique. Fracassant. Bandal. C'est Bandal. C'est Bandal. Voilà. Ah, on t'entend pas à Belgique, pourquoi? Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche. Ah si, c'est bon. C'est bon, ouais, ça va, c'est Belgique, salut. On est en train de faire le recensement de la famille, la Juna Family. Ah, là, on est en train de faire un petit point. On en a combien de chaînes? Eh bah écoute, on était en politique, donc c'est Harmonie, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Ouais. Et le flic dans l'équipe, c'est qui celui qui va se consacrer à l'école de police? Darcy. Peut-être Darcy. Darcy peut être keuf, hein. Il y a moyen. Ce soir consacré à devenir balèze, en plus il est grand taille. Ouais. Un peu de protéines, un peu de 2-3 piqûres. 2-3 piqûres là-bas, ici balèze. Et là. On a bien compris, donc consacré à la Juna Family ce soir, toute l'équipe avec un morceau aussi qui est présent sur cet album. Avec un morceau présent dans la pilule. Mayweather. Ah, c'est ça aujourd'hui là? Ouais. On va présenter Mayweather. J'allais pas venir en plus. Hein. Bah, t'allais pas venir. J'allais même pas venir. Bah, t'aurais loupé. Tu vois. C'est dommage. On prévient hop, c'est dur. Maintenant t'es prévenu, donc reste. On l'écoutera dans un instant. Et qu'est-ce qu'on met comme morceau tout de suite? Tout de suite, on peut se jouer. Le Longue Vie. On peut se jouer le Longue Vie. Longue Vie avec le Fa de la section d'Assault. Ah. Un des petits derniers de la famille aussi qui arrive. C'est lui le keuf. Le futur. Allez, bougez pas. L'héritier du trône. Le son sur bon Skyrock. Tu vois, bon keuf, Zarma. Maître Gims, le Fa. Extrêmement cœur avait raison. MC1R. Et 28 août dans les bacs, what I know. Alors. Oh. Mmh. Oui, bien. Ça va bientôt faire 6 ans de règne. Et t'hésites à m'appeler 9ème zone. Je me contenterai d'un superstar. Je remets mes lunettes et je souhaite une longue vie. Longue vie. Oh, longue vie. À ceux qui disparaissent dans l'ombre, sans nous laisser le temps de leur dire goodbye. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. J'ai pas retourné ma veste, elle est réversible. Bienvenue dans la confrérie. L'objectif dans la dounia, devenir riche comme Vivendi. Action, vérité, j'suis le vrai. Game se vérifie quand je refuse de poser. Elle chiale comme Katniss Everdeen. Salam au frère, j'suis tombé, j'dois tout refaire. La thune que j'donne aux impôts sert à faire briller la tour Eiffel. Mais vas-y, laisse ça. La coque est blanche, mais rend les gens sales. J'suis venu vous faire douter de vous-même comme Aristote et Socrate. Trop loin. Écarte-toi si tu es cardiaque. La voiture s'auto-détruira en cas de cardiaque. On me respecte depuis que j'ai pris le contrôle de Paname. Comme si je montais sur scène avec un hologramme de Saddam. Y'a pas le choix, c'était soit les soirées bédotisme ou devenir multimillionnaire comme Dawala du 19. Enfermé, égaré depuis la maternelle. J'suis borné, de toute façon j'ai tout mon temps comme Burnell. La Burnée, illusoire, dit-il, confiant. Alors que pour lui le bien et le mal se confondent. S, coupé, biturbo, Paris, Marbella. De 30% à Bella. Hey. As-tu donné ton terme? Léléla. Bande d'enfoirés. Ça va bientôt faire 6 ans de règne. Bientôt. Et t'hésites à m'appeler Superman. Hésite pas. Je me contenterai d'un superstar. Je remets mes lunettes et je souhaite une longue vie. Longue vie. Oh, longue vie. À vous tous. À ceux qui disparaissent dans l'ombre, sans nous laisser le temps de leur dire goodbye. Quand le chat n'est pas là, quoi? Bah les souris dansent. Elle bounce. Quand le chat n'est pas là, quoi? Bah les souris dansent. Elle twerk. Quand le chat n'est pas là, quoi? Bah les souris dansent. Elle bounce. Quand le chat n'est pas là, bah les souris dansent. Pareil que je plexe, c'est rare d'entendre un mec rapper. De nos jours, merde, je voudrais pas les complexer. Style, attitude, si tu me vois plus, lève la tête. Je suis en altitude sur la première page d'iTunes. Dis-moi stop, ralentis, s'il te plaît. Sinon, dis-moi clairement, fallait écris-moi un titre, je te paye. La plus de gang, la viens même pas faire le gosse. T'es chérie, essuie le gloss de ta série. Mets sur pause ta série, ouais. T'oses dire que c'est serré entre nous. T'es pas sérieux, je suis dans le coup. Toi, tu me tiens ma par le trou de la serrure. Je reviens de vacances, négro, je balance une avalanche. Oui, j'pensais qu'on est clair. Il va pleuvoir des reprises de volée. Le game ne leur a pas volé. Dites aux voisins de s'affoler, de fermer les volets. Je vais foutre la merde comme folé. C'est téléphoné. Capital et son capitaine. Depuis que j'ai mis les voix, ceux qui demandent où est Fall, ils sont humiliés. Négro, leur carrière. Mais attends, j'ai convaincu le public comme Raimi Porto. Quand je vise, j'élimine. Quand tu kicks, c'est limite. Tu fais quoi là? Tu m'imites? Ah d'accord, c'est Mimi. T'es Mimi, mais la vérité c'est que t'as plus de jus. Laisse-moi faire, je peux pas perdre. Je côtoie plus le jeu. Ça va bientôt faire 6 ans. MC1R. Et t'hésites à m'appeler Superman. Je me contenterai d'un superstar. Je remets mes lunettes et je souhaite une longue vie. Longue vie, longue vie. Longue vie. Une longue vie, longue vie. À ceux qui disparaissent dans l'ombre sans nous laisser le temps. Quand je n'ai pas là, bah les souris dansent. Quand ça n'est pas là, bah les souris dansent. Quand ça n'est pas là, bah les souris dansent. Quand ça n'est pas là, bah les souris dansent. Le bas du foot dans les bacs, MC1R. Tu veux mon niveau? J'espère, ce que t'entends là, c'est que la partie visible de l'iceberg. Merde, quitte le vestiaire. T'es qu'un débutant, fais pas le show, reste tiède. Tu veux mon niveau? Espère, ce que t'entends là, c'est que la partie visible de l'iceberg. Merde. Sur l'assaut, Paris 9, 10, 18ème, 19ème, 20ème. Longue vie à l'instant, le morceau avec le Fa que l'on retrouve sur cet album Mon Cœur avait raison. Ouais. Album de Gims attendu ce soir, donc soirée familiale. Soirée familiale. Avec les frangins qui sont là. Avec tout le monde, ouais. Oh, oh, le ah. petit dernier qui est arrivé aussi. Hein, avec eux. Ah, c'est lui qui va être à l'école de police. Ouais, il va être keuf. Ouais, on s'est dit qu'il fallait pas qu'il rentre, qu'il fallait pas qu'il fasse la musique. Un gentil flic. C'était pas original. Tu veux pas répondre, tu veux pas faire le droit de réponse, non? Tu veux rien dire? Tu t'es fait charger, mon pauvre, t'étais pas là en plus. Qui es-tu? Présente-toi. Ouais, moi je suis là comme pour ceux qui m'ont reconnu. La France t'écoute, hein, gars. Je suis le petit dernier de la MIF, famille Juna, Fresh Prince 93 sur Instagram. Ah à tous. Ça commence salement, on d'accord. Là, en c'est... attendant MCR, vendredi 28 août dans les bacs. Voilà. L'album du refrain, on est là, on était tous là, on a tous participé, deux peu ou deux moins. Donc voilà quoi, là c'est le Planète Rap du refrain, on est tous ensemble, la famille comme t'as dit. Et voilà, allez acheter, le projet est lourd. Lui, c'est un vrai supporter. Lui, on l'appelle l'héritier du trône, en fait. Ouais. Tiens, c'est pour ça qu'il m'a demandé code Wi-Fi, je comprends. Tu vois, lui, il est direct. En direct, il a balancé. Il a balancé son truc, il est reparti. Regarde, hop, ça y est, parti. Ouais. Il a fait ce qu'il a à faire. Pourquoi après ça? Rien. Si, il y a le morceau quand même à découvrir. Il y a deux titres inédits ce soir, loupez pas. Il y a deux titres inédits ce soir. Donc, on a parlé du morceau avec la Juna Family. Français, française, oh, peuple de la Gaule. Restez bien avec nous. Il y a deux morceaux et puis un autre morceau qui s'appelle Je te pardonne, c'est ça? Ouais, Je te pardonne. Ouh, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Je voulais faire découvrir ce soir le Je te pardonne. Alors, c'est un morceau qui apparaît d'ailleurs en deux versions sur. Ouais, ouais. C'est un morceau très attendu. C'est un featuring qui n'était pas prévu à la base, qui est venu en cours de route pendant. On était à plus de la moitié de l'album. C'est un featuring inespéré, j'ai envie de dire. Et c'est un featuring qui m'a beaucoup touché. Il m'a beaucoup touché parce que en faisant ce featuring avec Sia, puisque ouais, au-delà de ce featuring là, moi j'ai été touché par tu vois quand tu poses avec quelqu'un comme Sia, tu es prêt à accepter beaucoup de choses, ses conseils, etc. Tu es prêt à accepter qu'elle change ta mélodie ou qu'elle te conseille autre chose, mais là le fait qu'elle se soit calquée elle sur ma mélodie, qu'elle se soit Elle s'est vraiment pliée aux règles, quoi. Ça m'a vraiment touché. Et c'est comme si elle te mettait un tampon, en fait. Mais comme ça si elle te disait, je valide ton travail. Alors que c'est la vraie Rihanna. Non, mais en plus, voilà, Sia, c'est elle qui a écrit. Elle écrit tout, voilà, on va pas citer. On va pas citer, mais c'est vrai qu'elle a écrit tous les morceaux de Rihanna. Tous les gros cartons de Rihanna. Et puis. Et quand une personne comme ça reprend ta mélodie derrière et dit que ton son est magique, il est dingue, machin, ça fait plaisir. Donc au-delà du featuring, moi, ça m'a beaucoup. Parce que ça part de quoi? Donc il y a un morceau qui s'appelle Je te pardonne que toi t'as enregistré. Je serais tout seul à la base. Il était même pas fini et moi je voyais bien Sia dessus, en fait. Je t'ai dit franchement, je vois vraiment bien Sia dessus, c'est vraiment son délire, c'est une balade et tout. Et de là on s'est dit pourquoi ne pas lui envoyer tout simplement avec Sony, on s'est dit ça. Et bon, il faut juste savoir qu'en plus c'est une nana qui est extrêmement demandée, quoi. Ouais, de grave demandée, pas beaucoup de feats, je crois qu'il y en a trois dans sa vie, ouais, tu sais, il y en a vraiment pas beaucoup. Elle est spéciale, quoi. Elle se mélange pas beaucoup, elle est discrète et là vraiment c'est dingue. Donc vous envoyez le son? Ouais. On envoie le son le soir même. Le soir même? C'est même pas deux jours, trois jours après. Le soir même, dans la nuit, elle était dans je sais pas quel pays, elle a posé. Elle a posé là, dans la matinée, on avait le son posé, tout mixé, machin, c'est voix. Et alors, toi, le premier réflexe que t'as en écoutant le morceau? Bah, franchement, premier réflexe, je sais pas trop ce qui se passe, je comprends pas. Et on me dit que c'est vraiment Sia, c'est Sia. Et tu reconnais le grain de voix et là tu te dis, c'est un truc de fou. Donc on pourrait écouter ce morceau, Je te pardonne, dans ouais. quelques minutes. Il y avait aussi des gens qui voulaient te poser des questions. Je crois qu'il y a Jason de Reims. Salut Jason. Salut. Ça va bien Jason? Ça va et vous? Eh ben ouais, il y a Gims qui t'écoute. Ouais. Donc moi j'avais une question. Vas-y. Je voulais savoir quelle était ta musique la plus compliquée à faire et pourquoi. Sur cet album, sur Mon Cœur avait raison? Sur le dernier album, oui. Sur cet album? Oui. Je pense que la musique la plus compliquée, c'était Hasta Luego. C'était Hasta Luego par rapport. C'est un morceau qu'on n'a pas découvert encore. On n'a pas découvert Hasta Luego. C'est un morceau, le thème, j'aime beaucoup le thème. C'est un peu, si tu veux, Robin des Bois des temps modernes, un mélange de Robin des Bois de Zorro, prendre aux riches pour donner aux pauvres, etc. La rétribution des biens. Donc un morceau qui est d'actu. un morceau qui est d'actu. Mmh. Il était compliqué à réaliser. Tu vois, il est très cadencé. Donc mettre des paroles avec un sens aussi profond dans des petites cases comme ça, c'était pas facile. Je pense que c'était le morceau le morceau le plus compliqué, le plus difficile, sachant que le refrain il est très haut. Ouais, c'était celui-là. Tu pourras le découvrir vendredi, Jason. T'as bien noté, hein, la sortie, c'est vendredi. Ouais, oui. 28 août. Ouais, oui. Merci. Merci à toi, Jason. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Une autre question, c'est celle de Sofiane de Boron dans le 44. Salut, Sofiane. Salut. Ça va bien, équipe. Ça va. En pleine forme. Salut, Sofiane. On t'écoute. Ouais, je voulais me poser une petite question. Moi, je voudrais savoir, c'est quand que tu referas un son avec la section. Ah. C'est vrai que c'est avec l'éternelle question. Ouais, quand pareil, le retour des rois, ouais, l'album. Déjà dans l'album, on peut retrouver la section, mais un peu dispatchée, quoi. T'as le son qu'on a découvert hier, Uzi avec JR et Doumams. Bah, il y a le morceau avec Lefa aussi, le retour de Lefa. Le morceau avec Lefa qui tourne depuis pas mal de temps sur Skyrock, Longue Vie. Il y a Barak. Un morceau avec Barak Adama, qui s'appelle Contradiction. Et voilà. Donc après, tous réunis en même temps, ouais, on en a pas fait. On va en faire un, bien sûr. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas de date pour l'instant. Il n'y a pas de date pour l'instant. Il n'y a pas de date pour l'instant. Je peux pas dire plus. Eh ben, merci d'avoir été avec nous en tout cas ce soir entre 20h et 21h pour poser des questions. 06 71 74 94 15. Tiens, tu veux pas décrocher, voir qui est on va décrocher, sur le portable. Tiens, décroche un petit peu. C'est le numéro de téléphone pour joindre Gims. Allô ? Allô ? Ouais. Ouais, Gims. Oui, ça va. Ouais, ça va et toi? Tranquille. Ça va. C'est qui? Présente-toi. Ouais, ça va. Je voulais te poser une question. Ah bah ça tombe bien. Vas-y, on t'écoute. Ah bah vas-y, c'est parti. Ouais, dans Instagram, là, t'as chanté une chanson. Dans quoi? T'as fait Instagram. Instagram, ouais. Je crois que c'était. T'as chanté Je suis mal garé. Ah oui. Je suis mal garé. Dans ta voiture. Ouais. Voilà. Cette musique, elle sera sur ton album ou pas? Non, elle est pas sur l'album, je m'en gare. C'était un titre inédit. C'était un titre inédit. Bah, je balance des hors-séries, tu me connais. Hein. Je balance souvent des hors-séries comme ça, des titres. Et donc, tu étais vraiment mal garé en fait. J'étais très mal garé. Et je me suis mis à chanter, ouais, je suis mal garé. J'en ai rien à foutre. Donc, celui-ci ne sera pas sur l'album. Non. Mais on me l'a demandé celui-là. Beaucoup de gens me l'ont demandé, je te jure. Bon, je suis mal garé. Il y en a, ils ont fait, ils ont regardé les tracklists. Ils ont dit, y a pas, je suis mal garé. Oh merde, j'achète pas l'album. Genre, en mode, vas-y. Y a pas, je suis mal garé. Genre, c'était ils attendaient, je suis mal garé. Désolé. Bon, bah dans les prochains projets, hein. Dans les prochains projets, certainement. Ouais. Un clip avec une voiture mal garée. Ouais. Dans le projet Parking Remix, ça approchera bientôt. Merci à toi en tout cas. On va revenir Gims dans quelques minutes. Ne bougez pas, le Planète Rap, c'est juste après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Maître Gims pendant une heure complète ce soir. Planète Rap, Maître Gims. C'est Maître Gims toute la semaine et son album qui sort dans deux jours maintenant, vendredi, dans les bacs. Mon cœur avait raison, avec la Juna Family qui est là pratiquement au complet, enfin pratiquement, du moins pour ceux qui chantent, hein, qui sont dans l'équipe. Ouais, on a Belgique avec nous, X-Gangs qui est là, le vrai. X-Gangs. Le vrai. Jelas, peut-être qu'il va arriver, je sais pas s'il va passer, il était là toute la semaine. Depuis lundi, là, il n'est pas là ce soir. Bizarre qu'il n'est pas là. Il doit nous écouter quelque part. Bon, un petit mot donc sur les projets qui arrivent. Juna Family, ça c'est un, ouais, c'est un projet pour c'est un projet 2016. Qu'on est en train de monter doucement. J'ai pas encore moi-même communiqué là-dessus parce qu'il est en train de se monter calmement. Je pense que d'ici l'année 2016, on va y voir un peu plus clair. Donc là, c'est le premier son vraiment qui annonce. Un projet en commun avec tout le monde. Ouais, avec un peu tout le monde. Histoire de mettre un peu des membres de la famille en avant, on va dire. Des combinaisons, Il y a du talent, il y a des choses à voir. Et c'est bien que sur un projet comme ça, qu'un projet comme ça se fasse pour pouvoir dévoiler les identités et le talent de chacun. Donc le projet est lancé, ce premier extrait. Voilà, avec ce premier extrait, on va on le découvre maintenant. On va le découvrir avec DJ Last One qui est au platine. Numéro 1, non. Attention, exclu last, total. Yeah, last. You wanna know? Ils ont pris la fuite. J'vais refaire tour 1-2. Refaire tour 1-2-2. Refaire tour 1-2. Refaire tour 1-2-2. Comme toi t'es raison. Comme toi t'es raison. Aucun signe de vie. Je crois qu'ils ont pris la fuite. Mais j'vais refaire tour 1-2. Refaire tour 1-2-2. Refaire tour 1-2. Refaire tour 1-2. J'ai lancé. Je jump Oscar de la Hoya. Faire des consommes Tony Sosa. Retournons pas si on est trop loin. J'passe des nuits blanches dans la J'ai la musique dans la peau. Mon cœur noircé dans ce monde. Sous ma capuche tourne en rond. Le voile se lève, je rencontre. J'écris des 16 pour ses bombes. Tous mes lyrics deviennent sombres. T'entends mes peintures les ondes. Au premier rond, tu t'effondres. Oh, X-Gangs. Ce chapitre, je viens lire ça à la prod. On s'y laisse voir ses gros couches, fuck la prod. Ma voix te fait froid dans le dos comme une prod. Tu fais de gras, ta pète arrive plus haute. T'es gras, t'es pas les gras. Comme un contrôle, je me gras. Je viens yo gras. Je paye up, c'est 10 gras. Nique ton de gras. T'as bien entendu ton de gras. Bloc, on les piégé dans nos ringanis. Sans jasson et trac, on les jusqu'à les piller. Sans garder la monnaie. Privons les de leur liberté. Car ils aiment déconner. Bac, on les psychologiquement, ils seront étonnés. Contre-toi, aucun signe de vie. J'crois qu'ils ont pris la fuite. J'vais refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2. Contre-toi, fais-ouais-ça. Aucun signe de vie. J'crois qu'ils ont pris la fuite. Mais j'vais refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2. Derrière ton ordi, t'envoies des coups de pression par mail. Je télécharge une paire de couilles, tu finiras seul dans la corbeille. Je suis posé au cœur du bendo, dans une nord, wesh les rails. J'ai rien vu, rien entendu, rien à part le chant des sirènes. Mais non, photo, c'est normal. Moi j'aime bien quand ça rafale. La nuit, il va des ailes trop fort. Je crois que Paris, c'est bon dalle. Photo, c'est normal. Moi j'aime bien quand ça rafale. La nuit, il va des ailes trop fort. Je crois que Paris, c'est bon dalle. C'est tous les jours la même merde, les frères se perdent. La recherche du phobie, toujours le même problème. Le point faible, c'est la largeur du legging. Bélec avec qui tu traînes, avec qui tu ken. Et les Barbies se déguisent. Les gars, va qui ne répondent guère. En temps de guerre, on sait quoi faire, c'est négus. Quand je passe, tu guettes en bas, je brille mes feux comme un sapologue Zahiro. Congolais Kinshasa. Et ne t'inquiète pas pour moi, j'ai des hits pour indéfini, ça ira. Dis bonjour aux marchands d'armes, nigga, tu n'as pas idée de ce que signifie Jonah, nigga. 23, tu me reconnais, moi je te connais pas. Tu dis que j'ai changé, t'aimes trop les parois. Va t'enculer. Tu fais le warrior devant tous tes gars, elle tient tes couilles, t'as aucun pouvoir, respect moi. Si tu m'évoles, tu me parles de pas de volumilité, t'empêches de finir comme Bad Boshi. Du bif si elle trouve que t'es barbe, tu vois la face, aucun signe de vie, j'crois qu'ils ont pris la fuite. J'vais refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, contre-toi, fais-ouais-ça. Aucun signe de vie, j'crois qu'ils ont pris la fuite. Mais j'vais refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2. Et si je tremble, ce n'est pas la peur. Toujours en direct du Black Pearl. Est-il un chanteur ou un rappeur? L'amour est aveugle comme une arme. Oui, ça va, toi, ferme-la quand le King parle. J'amène quelque part, peut-être même dans un King Park. Ma petite sœur protège ton petit cœur. Johnny Mad Dog à bord de son pick-up. C'est un freestyle, n'est-ce pas? C'est un cycla, c'est la secla. Vieux con, demande à Ritva. Ne l'écoute pas, on te revoit. Si t'es rabat, laisse des pattes comme part de les Red Pass. C'est 9ème Z, les ambiances, on les zemzem. Fais-nous deux as, si t'as cette tu du zemzem. Je suis à l'antenne, ça tourne, est-ce pas Schengen? Toi, t'as pas de van pizza et t'as Yudengen. On te respecte si tu parles le Wenzu. On te regarde si tu danses le Wenge. On te désarme pour de vrai à la Denzel. Et ça frappe fort, forcément à la Tenzen. Marre de taper pour un état qui s'en bat quasiment les couilles de ta façon de voir les choses. Personnellement, je suis dans les choux, regarde ma gueule. Est-ce que j'ai l'air de vouloir proposer mon boule d'état à la juge de Bobigny? Que c'est conseil, moi je m'en crois que mon néglige, mais tant pis, y'a pas de galère. Je passe des silences, mais ça va péter petit à petit. Peut-être qu'on va se parler, peut-être même qu'on va caler vers la lune. J'nique sa merde, de façon, on va tous y passer. Vous comprendrez, yeah, yeah. Vous comprendrez que ce morceau est sur la pilule rouge. Hein, pilule rouge, Floyd Mayweather. Avec la Juna. The real it is, yeah, yeah. Floyd Mayweather. Alors Gims, par contre, alors présente-nous toute la Juna Family présente sur ce morceau. Alors, sur ce morceau, premier couplet. Par ordre d'apparition, si tu premier couplet, bon, ça commence avec le refrain. Je fais le refrain, premier couplet, Jelas qui est pas là. Deuxième couplet, X-Gangs. Qui est là. Refrain. Troisième couplet, Bejik. Aïe. Qui est là. Quatrième aussi. Couplet, Dajou. Oh. Refrain. Dernier couplet, je fais. Maître Gims, Mugiwarano. Voilà. Encore une victoire de Mayweather. Eh, hey, regardez les messages, toujours du lourd, trop lourd. Les gens, ils se demandaient quel chalet. Est-ce que le son, il était plus lourd que Outsider? Ils m'ont demandé, beaucoup de gens m'ont demandé. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Ah, ok. De juger. C'est chaud. Vite la sortie. C'était Mayweather. Continue à balancer des messages avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Un très gros morceau donc, que vous retrouverez sur la pilule rouge. Ouais. Le son qui a été signé, Gims, celui-ci. Comment ? Le son qui l'a signé, celui-ci. Danny Sainté. Danny Sainté. Bossé le son avec Danny Sainté qui était là depuis lundi. On n'a même pas. Il n'a pas encore pris le micro. Il est là. Danny Sainté, il est là. Il est là depuis lundi dans son coin tranquillement. Pareil, il prendra la parole maintenant ou après. Il n'y a pas de souci. Il vient quand il veut. Danny Sainté, un génie parmi des génies. J'ai déjà bossé avec lui sur Subliminal, la réédition. On a bossé You Lose. On a bossé You Lose, un morceau, un de mes préférés dans le délire Kika, justement, Pilote Rouge, You Lose. Un son qu'on n'a pas mis en avant forcément, mais qui reste extrêmement lourd. Donc j'ai voulu rebosser avec Danny parce qu'il a vraiment cette touche-là, très quinri, très polyvalent. Son nom lui va bien. Bon, en tout cas, c'est prometteur pour le projet de Juna Family. Hein. Ouais, c'est très prometteur. Dadju, ça mériterait un OOA extraordinaire, j'ai envie de dire. Ouais, on veut bien, toi. OOA. Ah, pas mal. Enfin. Mon cœur avait raison, c'est vendredi dans les bacs, à pas loupé. On écoutera un autre titre inédit, pareil. Alors, c'est un autre genre. C'est un autre genre, carrément. C'est pas la Juna Family. C'est autre chose. C'est un changement d'ambiance. C'est un peu plus calme. Changement d'ambiance, ouais, on va écouter ça après. Dans un instant, ça arrive sur Skyrock. Juste avant, je vous présente Jayel de Lyon. Salut Jayel. Yeah, salut. C'est Jayel, c'est comment? Ouais, comment... Jayel, ça va bien? Ouais, ça va toi? Tu viens rapper, tu viens chanter, tu fais quoi toi? Je viens rapper, ouais. Et bon, on va t'écouter, c'est l'heure du freestyle par téléphone, vas-y. Ok. Oh, bon choix. Yeah. Yeah. Ok. Jayel. C'est pas stable, c'est ma vie qui est basta. Tout ce que tu ne casse pas, les MC des casse-dalles. Je ne joue pas au quart plat, ne joue pas au quart plat. Si t'aimes pas ta capa, écoutez mon rap bien. Je ne suis jamais rabat, même si je te saoule les rappeurs qu'on m'a pas. Je n'ai pas que d'Allah, je ne veux pas de palace. Je veux pas vivre à Dallas, je ne veux pas de dollars. Je veux juste qu'on parle de moi comme Mozart. C'est pas mon portrait craché, mais tout mon mona. Je veux mettre des cas, des babes, des tartes, dans mes cartes, vous. Moi je n'ai des billes depuis le début, pour porter un débat, moi je mets des cartes. C'est vous, mon rap c'est tout. Les gens sont chasse que joue. Les gars freestyle et roulent soir debout. Je ferai pas vous mon flow, moi je me passe de vous. On se voit même si je pars en impro. Laisse-moi faire pour qui je suis impro. Yeah, ce n'est qu'un fou. Style ouais, ce n'est qu'une impro. Ça fait, yeah. Les MTG les mille, même si j'ai l'unité, le mec est mimi, le mec est le mille, le mani, le mec à la mani, le mec est le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le. Fort, j'ai envie de dire. Ouais. Bravo Jayel, hein, 14 piges. Accélération, 14 piges. Ah ouais, quand même. Hein. Prometteur, hein. Attention. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, balance. Hein. Mon YouTube, Jayel Officiel. Ma page Facebook, pareil, Jayel Officiel. Je peux passer des dédicaces ou pas? Vas-y, Jayel. Dédicaces à la famille là, qui sont dans la voiture en train de m'écouter. Mon père, à Yanis, Kenzie. Dédicaces à Ryan. Dédicaces à Aaron. À Mathéo, à Omega, et à Mandjava, Luc Skredka. Luc Skredka, il s'appelle sur Facebook. Allez voir sa page Facebook, Skredka. C'est vraiment du lourd. Eh ben merci à toi en tout cas Jayel et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Ce soir c'est le Planet Rap, avec Maître Gims et avec la Juna Family présent. On peut d'ailleurs peut-être faire aussi un point parce qu'il y aura un projet de Juna Family qui arrivera. Mais certains sont aussi et bossent sur des projets. Je pense notamment au Shinsekai. Ouais. Indéfini qui arrive fin d'année là normalement. Ça y est, c'est. Là ça arrive, ça devient chaud, ça devient très très chaud là. Mm-hmm. On a le contenu, on a dépassé les 80%. Donc là avec Tal on s'est concerté, on s'est dit qu'il est temps de lâcher la bombe. Il serait temps de lâcher la bombe. Et alors c'est. J'ai pas le droit de te dire la date. Indéfini. J'ai pas le droit de te dire la date. J'ai pas le droit de te dire la date. C'était une injonction, un truc judiciaire. Il y aurait eu Dawala, si tu connais pas Dawala, c'est pour ça. Mais je viens de recevoir un message de Dawala. Moi je l'ai pas reçu. Dadju dit des conneries, il a le droit de dire la date. Ouais, je l'ai pas reçu. Hop. Encore. Je peux être viré. Hein, tu bon, en tout cas, c'est proche. C'est proche, c'est tout proche là. Ça arrive à grands pas, comme je le dis à chaque fois. Donc loupez pas Indéfini les Shinsekai avant la fin de l'année. Yep. Au sein de la Juna Family. Bah moi, pas de projet, mais il y a une grosse série de street clips qui arrive que j'ai nommé C'est Bandal. Il y a le premier épisode qui arrive. C'est Bandal. Une semaine Bandal. Ou deux. Et ça va être Bandal, Bandalesque. C'est lourd, faut suivre. Bandalesque. Faut suivre. En attendant, Bandalesque. Concernant Marine Monster, c'est. Ouais, une petite pause. C'est une pause. Oui, une petite pause, ouais, calme. tranquille. Monsieur X Gangs. Ouais, moi non plus pour l'instant pas de projet, mais on est là en, au labo, quelques sons, laboratoire par-ci par-là. Mais tout se passe dans le calme. Ces clones font taf, c'est clones. C'est ça en fait, ouais. Voilà. Ça le X Gangs nous regarde et nous les clones, on est là, on représente, on travaille. Et Juna Family, donc le projet avec le morceau très lourd qu'on a pu entendre. Ouais, les gens sont énervés parce qu'il y en a plein qui l'ont loupé aussi. Ils sont arrivés en cours de route. On verra si on leur écoute pendant la semaine ou pas. On vient de me dire que le clip de Longue Vie arrivé vendredi à midi sur le site watibé.com. Longue Vie featuring Lefa. Avec enfin, Lefa. Le clip. Clip très lourd. Avec les images de Lefa de retour. Avec des images de Karim Fall lui-même, monsieur Fall, dans ce clip. Entrée fracassante de Karim Fall dans le clip. Il est énervé. Je vous en dis pas plus. C'est vendredi. C'est vendredi à midi sur le site watibé.com, comme d'habitude. Comme d'hab. Et l'album est toujours numéro 1 grâce à vous sur iTunes. C'est énorme, c'est terrible ce qui se passe avec Brisé. Alors qu'il n'est qu'en précommande. Qui n'est qu'en précommande et Brisé qui a fait son entrée là il y a quelques jours et qui est déjà. Qui frôle le gratte-ciel, qui se bat avec Enrique Iglesias. Ah, il est dur. Non, mais c'est fou. C'est depuis le. Depuis les premiers singles qu'on balance, c'est celui qui a fait vraiment un gros boom Brisé. Une entrée fracassante. Et donc les gens kiffent vraiment. Tout à l'heure, j'étais vers Cholet, vers Nantes, pour une séance dédicace par rapport à la marque Vortex et le partenariat avec Gémeaux. Il y avait énormément de monde. C'est-à-dire que Vortex, maintenant, on peut la trouver un peu partout. On peut la trouver dans tous les Gémeaux de France. Tous les Gémeaux, il y en a plus de 500, c'est une grosse opération. Ouais. Donc dans les 500 Gémeaux de France, partout, il y a du Vortex. Donc à partir d'aujourd'hui À partir d'aujourd'hui, ça y est, du Vortex partout. Et voilà. Et vendredi, séance dédicace à la Wati Boutique, à 16h. Ne loupez pas la Wati Boutique. La tradition. Tout au moment de la sortie vendredi, de l'album. 16h, Wati Boutique, séance dédicace, photo, etc. Est-ce qu'on ne mettrait pas maintenant ce morceau? Est-ce qu'on mettrait pas ce morceau, ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Je te demande. Donc c'est un morceau avec il y a deux versions sur l'album. Ouais. Une version, je te pardonne, qui est la version que tu as faite d'abord. La version, voilà. Je voulais mettre les deux versions parce que c'était intéressant. Après, il y a donc celui-ci, c'est le morceau avec Sia qu'on va découvrir. C'est un gros featuring et on le disait, c'est vrai que Sia, c'est pas quelqu'un qui pose, qui a écrit pour beaucoup de gens, qui a fait beaucoup de mélodies pour beaucoup de personnes, mais qui ne pose pas avec 50 featuring, qui ne fait pas 50 featuring. Exactement. Et elle a posé sur Mon Cœur avait raison. C'est prestigieux. C'est le featuring le plus prestigieux, j'ai envie de dire, que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. En tant qu'artiste. Je te pardonne, qui le balance C'est le numéro 1, la soirée, toujours là, le célèbre, l'incontournable. Exclu dans Planète Rap, je te pardonne avec Sia, Maître Gims. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les draps. Je donnerai tout pour être dans tes bras. Yeah. J'ai envie de dire bravo quand même. Ah ouais, de l'applaudissement là. Parce qu'il y avait un recueillement dans le studio, incroyable, contrairement au morceau tout à l'heure justement de la Tuna Family. Il y avait un espèce de recueillement, quelque chose qui flottait. C'est, non mais c'est vrai qu'elle a une voix qui est assez envoûtante, qui, a, grave. Qui est assez dingue. Et une elfe, on dirait des chants des elfes dans le Seigneur des Anneaux. Le hashtag Maître Gims sur Skyrock, dites-nous ce que vous pensez de ce morceau. Donc avec Sia, une tuerie, le morceau avec Sia. Avec Sia, c'est un son énorme, il est magnifique ce son. Voilà, lourd le son avec Sia. Remettez Mayweather à la fin. on pourra le repasser peut-être dans la semaine le son avec la Juna Family. Validé de chez Validé du travail propre. Ah, donc morceau avec Sia à l'instant. Sia, ouais, dans l'album, vendredi. Bon, c'est... C'est franchement, c'est dingue, c'est dingue. C'est voilà la douceur du truc, la douceur. D'où les pilules bleues, pilules rouges. Ça peut pas être à côté de. Mais vraiment bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté planant en tout cas sur ce morceau. Donc la mélodie, c'est toi, tout a été fait. Ouais, tout a été. J'ai tout fait. Hein, j'ai tout fait. Et franchement, elle a interprété après à sa façon. Mm-hmm. Tu vois. Mais ouais, c'est assez fié au truc de base, quoi. Mais tu pensais, qu'elle allait peut-être changer sur autre chose, ouais. Vraiment, tu vois. Mais non, c'est fort. Ouais, et bah voilà, ce morceau vous le retrouverez aussi sur l'album de Maître Gims qui sort vendredi. Dans 48 heures on y sera dans les bacs. Et déjà en téléchargement, allez-y, en précommande déjà dès maintenant. On écoute un petit dernier brisé pour finir. Ouais, brisé, ouais. Avant de faire tourner la roulette. Avant de faire tourner cette allez, c'est parti. A4 G-A-N-G. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore. Escara. Vois-tu comment le monde est stupide? Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir en. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé. MCAR le 28 août dans les bacs. J-2. Yeah. Brisé à l'instant, en effet, tu le disais, Brisé qui fait aussi un véritable carton, hein, le morceau qui est toujours deuxième des ventes. Ouais. Allez, on va battre Enrique là. Allez-y. Et puis l'album en précommande numéro 1 des ventes, l'album de Maître Gims. L'album numéro 1 sur YouTube. Mon cœur avait raison. Grâce à vous, grâce à vous. Ça arrive vendredi. On va faire un petit dernier tour de table de la Juna Family qui est là. Dadju, qu'est-ce que tu as envie de dire aux frangins? Qu'est-ce que tu as envie de souhaiter pour cet album qui sort vendredi? Bah écoute, moi, je me mange un peu la tarte comme tout le monde parce que contrairement à Subliminal, j'étais un peu en retrait sur MCR. Parce que je voulais vraiment manger tout le truc, tu vois. Je voulais manger comme tout le monde, manger tout le truc. Donc, c'est-à-dire que t'es pas trop passé en studio, t'es... Ouais, et en plus, comme on était avec Black sur la tournée, tu vois, donc on n'était pas trop là. Mais quand je suis arrivé et que j'ai entendu toutes ces bêtises, parce que c'est ce que j'appelle ça des bêtises, j'ai pété un plomb. Donc, l'album, je l'ai écouté la semaine dernière pour la première fois. J'ai vu le taf qu'il y avait, j'ai vu toutes les personnes qui se sont concentrées dessus. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Là, il y a eu Subliminal, il y a eu 1 million. Là, on vise le 2 millions. Eh ben, c'est bien. Ouais. Il faut viser le 2 millions. On vise 2 millions et là, il y a une grosse tournée qui arrive aussi. Il y a les Bercy, tout ça. Donc, j'ai confiance. À partir du mois de novembre. Et il est temps de frapper Enrique là. Parce que... Ah, laissez Enrique. Franchement, ouais. il faut frapper Enrique. Je l'aime beaucoup, hein, il est très gentil, ouais, très gentil tout. Mais là, il est temps de. Il est temps d'y aller, quoi. Il faut que Brisé soit numéro 1 d'ici la fin de semaine. Exactement. On est bien, on est bien. Un petit mot, Belgique aussi. Longue vie au King, c'est toi. Longue vie au King. Longue vie au King. Ils sont passés où les autres? Ils sont barrés. Hein, ils sont barrés. C'est des clones, t'as pas vu? X-Gang, c'est un clone. Je vois pas, il a disparu. Mec, il était là, j'ai l'impression, il y a deux secondes. Ouais, en tout cas, merci à tous. On rappelle, dédicace à la Wati Boutique à 16h vendredi. Voilà, c'est la tradition. Ça se passe toujours à la Wati Boutique. Direction 16h vendredi. Le 29 rue de la Ferronnerie à Paris. Ouais, 29 rue de la Ferronnerie. C'est à côté des Halles. J'ai acheté les Halles pour les gens qui viennent. Et le clip de Longue Vie qui arrive aussi vendredi à midi. Donc que des surprises. Et ça, ce sera pour tout le monde. Je crois qu'il y a une séance dédicace qui est prévue, mais les dates sont à définir. C'est Lille, il me semble, Nantes aussi. Ouais, les dates restent à définir. Pas toutes les dates, je veux pas dire de bêtises, mais il y a des grosses séances dédicaces dans des hauts champs, un peu partout, dans des gros centres. Loupez pas Maître Gims près de chez vous et puis la grosse tournée au mois de novembre, mais là on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre le jeu Until Dawn jusqu'à l'aube, plus la PlayStation 4 qui va avec. Salut Sarah, Paris. Ah, salut Sarah. Allô, allô. Comment ça va? Je suis là. Bah, t'es là, ouais, j'ai eu peur. Ça va. En forme? Ouais, en forme. Tu es prête à faire tourner la roue? Déjà, je te présente Maître Gims qui est là. Ouais, avec toute la famille. Avec toute la Juna Family. Voilà. Bonsoir à vous et bravo pour tout ce que vous faites. Franchement, machallah. Et longue vie à vous. Merci, c'est longue vie. Et bien, ça va. Et monsieur Fred, fidèle à son poste. Toujours là pour l'instant. Pour l'instant, toujours là. Ouais. Merci à toi, Sarah. Android. Voilà, j'allais te proposer, mais tu connais le principe de la roulette, faut dire stop. Eh ben, ça fait Sarah. Direction le ciné avec le film qui est sorti aujourd'hui, film Skyrock, Hitman, Agent 47. Il y a 1, 2, 3, 4 places de ciné pour toi. Il y a également le jeu Until Dawn qui est aussi sorti aujourd'hui sur PS4. Et puis je rajoute, comme tu es très très très sympa Sarah, je rajoute l'album dédicacé de Maître Gims, mon cœur avait raison. Qu'on t'envoie du côté de Paris. Ah bah super, génial. Merci beaucoup, merci à vous. Je te fais des bisous, Sarah. Ouais, gros bisous. Merci. Et bah à bientôt, merci. Ciao, passe une bonne soirée. Merci à vous tous, merci à la Juna Family qui était là. Merci à toi, Fred. Merci à toi. Famille très talentueuse qui risque de marquer encore les années à venir. Ouais, on espère. C'est Bandal. Là pour encore un petit moment. C'est Bandal. C'est Bandal, tout simplement. C'est Bandal. Ouais, c'est Bandal. J'aime bien cette expression. C'est Bandal. C'est vraiment Bandal. C'est Belgique, ça vient de Belgique. J'aimerais dire une dernière chose, le flic. Hein. Tu veux tu n'as où, tu as oublié un Snapchat, un truc à balancer. Non. Une grosse pensée pour ma mère aujourd'hui qui fête son anniversaire. Voilà. Tantine. Attends, alors. Un très très joyeux anniversaire. Sinon, alors. 28 août dans les bacs, MCR. Ouais. MCR. Bah, t'as vu comment il passe du coq à l'âne. Et pour te retrouver sur les réseaux sociaux. Mais mes réseaux sociaux, balance tes réseaux. Bon, si je vais balancer mes réseaux. Non, mais celui qui m'a fait découvrir Snap, tout ça. C'est vrai, mais c'est lui qui me briefe sur tout ce qui se passe. Sur Instagram, fraîche-du-bas, prince93, like. Lourd. Snapchat, warano93. Ah. Et moi, c'est warano75. Lui, c'est warano93. Moi, c'est warano75. Suivez mes aventures sur Snapchat. C'est un truc de malade. J'ai plusieurs rôles. En ce moment, je suis Karim. En ce moment, je m'appelle Karim la Terreur. Je suis actuellement Kava la Marvela. Donc, suivez mes aventures. Je sors un mixtape dans pas longtemps. C'est un ingé. Avec pas mal de beaux ingés. Donc voilà, Warano 7-5. Allez, suivre ça. Merci à vous tous. Merci d'être joué. Merci à toute l'équipe. Pas de problème. Tu salueras aussi Etal, évidemment. Il n'y a pas de souci. Monsieur Aboutal, pour le projet Shinsekai qui arrivera aussi. On va retrouver Difool qui est là et toute l'équipe en direct. Eh ben oui, là, toute l'équipe et en direct aussi. Salut, salut. Difool, on dirait qu'ils sont immortels, les mecs. Non, pareil. T'as tout bon, hein. Les immortels. Les immortels, c'est Difool, les immortels. Oh, c'est joli comme jingle, pas mal. On va t'embaucher, attention. Ah, Belgique me demande si dans les. Une question, Difool, tu vois. Attends, il y a Belgique qui est là qui veut poser une question. Bonjour, Belgique. Ouais. Bonjour, ça t'arrive pas d'avoir une diarrhée ou être malade, d'avoir mal de ventre ou non? Si non. Pourtant dans l'équipe, il y en a quelques-uns qui. Si, pendant l'émission. Ben, en dehors de l'émission, jamais. Jamais, ils doivent être posés sur des chiottes. Reste pas, en tout cas, reste pas à vous. Les chiottes intégrées. Bon, ben, Gims, demain, rendez-vous 20h, hein, on n'oublie pas demain, rendez-vous. Et demain, on est jeudi, la veille de la sortie de l'album, puisque c'est vendredi, la veille du grand jour. Exactement, merci. Ah, bah oui, on y pense. D'ailleurs, si t'as 2 minutes, tu pouvais venir te faire un petit coucou, Gims. Juste. Ah, vas-y, j'arrive. Allez, juste 2 minutes, puisqu'on fait un peu. On a eu Black M lundi, on a eu Big Flo et Oli, on a eu Niska hier. Ouais. Il sera d'ailleurs vendredi dans Planète Rap, Niska. Il débarque dans Planète Rap. Bon, là, lui, il revenait de Martinique, il était en plein jet lag, mais il est en pleine forme. Hein. Hey, il a tourné un clip là-bas, je crois. Ouais. Il a balancé un clip. Ah oui, il part, lui, il en profite, il a raison. Comme Black M, il est parti. C'est bien pour aller tourner les clips, stop. Bon, ce qu'on fait, on va faire un petit point sur tes vacances, Gims, même si vous en avez un petit peu parlé dans Planète Rap, on y revient tout de suite. Viens nous faire un petit coucou et puis vous tous débarquez en direct sur Skyrock, c'est parti, la radio libre. Maintenant, 01 53 40 30 20 avec toute l'équipe qui est là. Ouais. On démarre avec The Weeknd, Gims derrière, le maître, Maître Gims avec nous. Et évidemment, la radio libre juste après ça. 1 minute de pub, on est de retour. Ciao. À toutes. Ciao.